Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 622. Bonne année 2025 à tout le monde. J'espère que ça va marcher jusqu'au bout. Petit problème technique là dès le début de l'émission. Mais bon, l'album de la semaine c'est Back to the Egg par Paul McCartney en 1979. On écoutera Reception, The Broadcast, vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Il y aura également So Glad to See You Here, A Road Through Me, Baby's Request, Macy, c'est un instrumental, et on terminera avec Old Siam Sir. Et il y aura aussi du Ringo Starr, du George Harrison, du John Lennon et des Beatles. Pour Ringo Starr, ce sera Snookeroo. Pour George Harrison, ce sera Art of Dying sur l'album All Things Must Pass. John Lennon nous chantera Asuma Sen, I'm Sorry sur Mind Games. Et puis les Beatles, ce sera Blackbird. Comme on est franchement en retard, je vous propose de démarrer maintenant l'émission. L'album de la semaine, rappelez-vous, c'est mon album préféré. C'est le masterpiece de 1979, Back to the Egg. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Well, we were after a man who was apparently had been doing something pretty desperate, and they were anxious to get on his track. And I think there were six of us all together, started off. We were 2 days on his trail, but we lost him, and they finished and made remarqué, c'est différent de ce que, à quoi vous vous attendiez. C'est la version longue de Reception que je vous ai proposée et vous avez entendu une deuxième chanson à l'intérieur qui n'est pas vraiment une chanson, qui est un morceau de radio pris sur la radio, un poème je crois, qui s'appelle The Broadcast, dont je vous propose l'extrait qui est sur l'album. Ça s'appelle The Broadcast. We've got a chance and we'll take it. We may win or we may lose. We may even have to cut and run for it. Well, it won't be the first time I've run, and it won't be the first time I've been caught. It's the game that matters. Brother, I am proud to know you. This is one of the greatest moments I have ever experienced. I think I sense the situation when I say that we all esteem it an honor to breathe the rather inferior atmosphere of the station. Here along with our little friend. I guess we shall all go home and treasure the memory of his face as the whitest thing in our museum of recollections. And perhaps this good woman will also go home and wash the face of our little brother here. I'm inspired with a new faith in mankind. Ladies and gentlemen, I wish to present to you a sure enough saint who only wants a halo to be transfigured. Stand right up. On peut reconnaître que la... on ne peut pas vraiment appeler ça une chanson, mais que ce n'est pas vraiment très très intéressant d'entendre un récit comme ça. Sauf que la musique qui est derrière est plutôt vachement belle. Et ça, c'est l'art de Paul McCartney. Bon, je vous propose Snookeroo, extrait de l'album Goodnight Vienna de Ringo Starr. Et c'est avec un certain Elton John. La chanson a été écrite par Elton John et Bernie Taupin. England, I was raised in a working town. I broke all the rules when I went to school, but the teachers couldn't pin me down. I tried to make my parents proud by adapting to the social powers. Oh, pigs will fly and the earth will fry when they get me doing honest hours. Life with the factory girl, 'cause the factory girl's my type. I hear them gossip on the street, most of what they say is true. Oh, don't you know that I hear them say they goes that lazy no good snookeroo. Snookeroo, snookeroo, daddy's going on the booms. Mother used to cut my hair, to make the news. Well, it was two rooms up and two rooms down. We were sentenced by the wrecking train. Oh, I was born on the eve of Halloween. And snookeroo, snookeroo, snookeroo's my name. En 1970, George Harrison nous, selon ses dires à lui, relâchait des années de contraintes dues au fait que ses chansons n'étaient jamais prises en compte parce qu'il y avait le grand duo Lennon et McCartney. Et là, en 1970, il est tout seul, donc il se relâche. Mais dites donc, voilà une diarrhée musicale qui est absolument fabuleuse. Voici The Art of Dying sur l'album All Things Must Pass. Leave here when I when I'm down, really in, and I don't know what I'm doing. I see myself. I see myself in your coat. All I had to do was call your name. Cause you pain, darling, I promise I won't do it again. I see myself. I see myself, you're cold. It's hard enough, I know, just to feel your own pain. It's hard enough, I know, to feel your own pain. All that I know, just what you tell me. All that I know is just what you show me. And when I'm down, real San Paco, and I don't know what to do, I see myself. I see myself in your concern. All I had to do was call your name. Yes, all I had to do was call your name. C'est la version Ultra Ultimate Mix de John Lennon que l'on vient d'entendre, sorti donc en 2024. 2024, oui. Mais la version date de 1973. Il y a plusieurs manières de pouvoir joindre, enfin tout savoir sur les Beatles. Il faut d'abord pouvoir compter sur

deuxième extrait de l'album de la semaine, enfin deuxième, même troisième, puisqu'on a passé Reception et Broadcast, et à l'instant So Glad to See You Here. Et je maintiens contre vent et marée, surtout après l'avoir vu en concert le 5 décembre, que Paul McCartney pourrait chanter cette chanson en entrée de show pour dire « Je suis tellement content que vous soyez là ». Et ça marcherait, évidemment. Pour les nouveaux qui ne connaîtraient pas l'intégralité de McCartney, ça pourrait être une chanson « Oh, c'est une nouvelle chanson !» Non, elle a quasiment 50 ans, puisque c'est en 1979 sur l'album « Back to the Egg ». On revient faire un petit tour du côté des Beatles. Ne laisse pas tomber sur RG. Don't let me down. She does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, oh, she do me. Yes, she does. First time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Animateur radio, un homme élevé aux Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. I wanna love, that's right. Pride is only half of what's wrong. vous savez que quand on parle de mon album, enfin l'un de mes albums préférés, à savoir Back to the Egg, j'aime bien vous proposer des petits bonus. Comme celui-ci qui date des sessions de Back to the Egg, c'est Cage. J'aime beaucoup cette chanson, petit truc sympa. I want you. Ça se termine comme ça. Celui qui est au synthé, c'est Billy Preston, figurez-vous. Et ça, je l'ignorais jusqu'à présent. J'avais supposé que c'était George Harrison. Alors, au synthé, c'est le Moog synthétiseur. Une sorte d'ancêtre du synthétiseur, si vous le voulez. Nous sommes en 1969, quand même. Sachez que le morceau, en théorie, durait 8 minutes et 4 secondes. Et John Lennon a décidé de faire une fin surprenante. Au moment de l'édition finale avec les guitares, la batterie, le son blanc qui montait de plus en plus, on l'entend bien, c'est hypnotique, c'est génial, moi j'adore. Il a demandé à Geoff Emerick, qui est l'ingénieur du son, de couper à 7 minutes 44 sans faire le son qui descend, on appelle ça un fade out, etc. De couper brusquement, sans compter les mesures, sans que ça... Mais vous avez le résultat en tout cas. Résultat, eh bien, ça termine la face A quand on avait des vinyles Et à ce moment-là, quand on avait des vinyles pour les plus anciens, si vous vous en souvenez, le bras revenait et ça surprenait quand même pas mal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson qui est étonnante parce que les paroles n'ont jamais été aussi simples. Je l'aime, elle est tellement géniale parce que She's So Heavy, ça ne veut pas dire elle est si lourde, mais ça veut dire elle est tellement géniale. Et puis il n'y a pratiquement pas grand-chose de plus hein, dans cette chanson-là. Mais quel climat, quelle beauté, il terminait en beauté vraiment les Beatles. Bien, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine c'est Back to the Egg avec quelques petites surprises. Voici Arrow Through Me, une flèche à travers moi, sur RIG, j'adore. Sharing the love and feeling the sunlight in the air. light everywhere. Sometimes it's good to admit that you just don't care. Hey you, come out of the rain, dry yourself off and remember, don't complain, 'cause everything's good and everything's right. Sharing the love and feeling the sunlight in the air. Sunlight everywhere. Sometimes you got to admit that you just don't care. Sunlight warm in my heart, making me feel like we're just getting started. To be sure everybody's having fun, feeling okay, doing all right, sharing the love and feeling the sunlight in the air. Sunlight everywhere. Sometimes it's good to admit that you just don't care. I'm feeling the sunlight. Le côté positif de notre copain Paul McCartney, puisque c'est lui qui a écrit cette chanson pour Ringo Starr sur son album Rewind Forward, c'est-à-dire ça fait partie des chansons amusantes de Ringo Starr, enfin des titres amusants trouvés par Ringo Starr. On rembobine en avant. Bah oui, pourquoi pas. Bon, notez que dans deux jours, puisqu'on est le 8, dans deux jours, l'album de Ringo Starr sort, l'album qu'on attend qui s'appelle Look Up. Ça va être un album country, donc vraisemblablement, si j'ai pas d'ennui d'ordinateur mercredi prochain, l'album de la semaine sera l'album Look Up de Ringo Starr. Ça, c'est en 1972, c'est John Lennon, Woman is the Nigger of the World sur RIG. Vous écoutez la saga des Fab Four, c'est la saga numéro 622. Think about woman is the nigger of the world. Think about it, do something about it. We make a paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. She's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's a boss. our children. And then we leave a flat for being a fat old mother hen. We tell her home is the only place she should be. Then we complain that she's too unworthy to be our friend. Let's go. It's chante et l'anticipe. Une chanson des Beatles, écrite par George Harrison, pour sa femme Patty Boyd. Elle est parue sur le dernier album officiel du groupe, Let It Be, en 1970. Aux États-Unis, elle est également parue en face B du single The Long and Winding Road, paru la même année, et qui se classa à la première place du Billboard Hot 100. Sur RIG, c'est la saga des Fab Four que vous écoutez, c'est la 622e émission, et voici une cover de Bob Dylan, faite par George Harrison. C'était sa dernière apparition dans une émission télévisée en 1997. Think you'd be happy as you could be if you belonged to me. Will you say let's go to the rodeo and see some cowboy fall? Sometimes it seems to me you have no sympathy at all. And your head and your heart is filled with so much misery. But you'd be happy as you could be if you belonged to me. And it ain't easy to get to you. But there must be some kind of a way. If only to connect with you. For one moment of each day. Say that you're all washed up, got nothing else to give. Seems like we never figured out how long you've got to live. But you could feel like a baby again, sitting on your daddy's knee. And you'd be happy as you could be if you belonged to me. Soir, on prend un verre ensemble et Paul McCartney nous chante Baby's Request. Et vous êtes sur RIG 90.7. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started. Now the birds have all flown from our nest. But you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said that she knows how it goes. But you're the one that really knows. So come ahead, just one more time and then we'll go to bed. But you could but you're the one that really knows. So go ahead, just one more time and then we'll go to bed. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. Play me my baby's request. Please play me my baby's request. C'est encore extrait de l'album de la semaine, l'album Back to the Egg, sorti en 1979. On espère que Paul nous fera un coffret super de luxe, avec des tas de petits suppléments en plus, comme il veut. Nous atteignons maintenant, avec un petit peu d'avance, le moment de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en solo, on ne sait jamais. Comme c'est arrivé à George Harrison, la preuve, tout à l'heure, il a chanté une cover de Bob Dylan. Eh bien, si on trouve quelqu'un qui chante une chanson chantée par l'un des quatre, ça fait la cover de la saga des Fab Four. Voilà, ça pourrait être vous, d'ailleurs, si vous le voulez. Eh bien là, c'est un pote à eux, c'est Billy Preston, j'allais dire Bob Dylan. Non, Billy Preston cette fois-ci, qui nous propose sa version, sortie la même année que celle de George Harrison, sa version de All Things Must Pass. Et lui, bizarrement, ça s'écrit All Things, entre parenthèses, Must et Pass. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and left you with no warning. It's not always gonna be this way. Sunset doesn't last all evening. The mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always gonna be this way. Darkness only stays at nighttime. With the morning, it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. No, it's not always gonna be this way. You ought to be glad. All things must pass. Alors, en guise de chanson, vous savez, après la cover, souvent c'est ressemblant à quelque chose comme ça. Et bien là, je vais vous proposer une chanson extraite des sessions de Back to the Egg. C'est Denny Lane qui la chante et elle n'est pas incluse dans l'album. C'est Weep for Love, tiré de l'album Back to the Egg. Mais celui qui n'est jamais sorti. Enfin, cette chanson n'est jamais sortie officiellement. Ou si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Clin d'œil, clin d'œil. Every mother's son knows the colors in the rainbow, but the very few that ever do a service for mankind. I'm waiting in the wings for the compass announcement that a change is in the program and the time has now arrived. Create a way of living so specifically designed to ease down on the tension we've created through the ages, the destruction and the killing of the pleasures of the mind. gonna do what I can. George Harrison, en 1974, sur l'album qui s'appelle Dark Horse, et le titre que vous venez d'entendre, c'est Far East Man. Dans une grosse, grosse demi-heure, il y aura Eric, le retour d'Eric qui vous souhaitera une bonne année, j'en suis persuadé. Pour son émission Johnny de A à Z, ce sera le premier live de l'année, puisque c'est aussi le premier mercredi du mois, et lui, il est fidèle. Premier mercredi du mois dans lequel il est présent, c'est le live. Donc rendez-vous aux alentours de 22h02 à peu près pour Eric et Johnny de A à Z. Cette chanson-là, c'est une chanson de John Lennon, mais il l'avait écrite en pensant à Ringo. Quand Ringo l'a su, il l'a attrapé et il l'a chanté. Grow old along with me. The best is yet to be. When our time has come, bliss on earth. Grow old along with me. Two branches of one tree. Face the setting sun. Il a sorti qu'en 2019 Ringo Starr sur son album qui s'appelle, je crois que c'est What's My Name, n'est-ce pas ? Je regarde et je constate qu'effectivement, c'est l'album What's My Name qu'on chante de temps en temps, qu'on passe quelquefois dans la saga des Fab Four. Voici un autre extrait caché de Back to the Egg, des sessions de Back to the Egg. C'est un instrumental, ça s'appelle Maisie sur RIG. dance at the discotheque. That's why you look such a wreck. Your face is pale, you look torn. Your paws are dirty and torn. You've got the look in your eyes that says you have the line and you're lost inside. Meanwhile, you're back in your cage. Got yourself in a bind. You don't know how to unwind. Your senses unsatisfied. Take you along on the ride. You've got a way and a stance that says you dance the hands off of everyone. Then you go back on the floor. Got to get through the door where the unconscious is through. Nothing can stand in your way. You're living day after day where the unconsciousness rules. Do-do-do-do-do. Nos quatre amis de Liverpool, c'était la musique, et la musique rock notamment. Ringo Starr a repris Rock Island Line de Johnny Lanigan, un truc comme ça. Il faudrait que j'avais pas pensé à dire son nom. Et Ringo Starr a repris, mais John Lennon aussi, sauf que ça fait partie des Lennon Tapes. Voici la version de John Lennon de Rock Island Line sur RIG. Et on continuera avec un petit clin d'œil. Ce sera Strawberry Fields Forever en version acoustique, toujours par M. John Lennon. Greg. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, it just sort of goes too quiet, doesn't it? No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in. Doesn't work like that, no. Effectivement, heureusement qu'il y a Internet, parce que on a tranché. Je ne sais plus ce que j'ai dit, Stéphanie Donegan, un truc comme ça, je sais. En fait, bon, voilà, je suis pas trop à ce que je fais, j'ai un petit peu de fatigue, c'est pas grave. Eh bien, Stella m'a proposé, c'est Lonnie Donegan, eh bien, presque. C'est, oui, c'est ça, c'est, elle m'a dit Donnie Lonegan, et c'est Lonnie Donegan. Merci Eric, donc c'est lui qui a un peu influencé aussi les Beatles, entre autres. Vous avez entendu Strawberry Fields Forever. Il est évident que ça vous a tenté, vous avez envie d'entendre la version originale. Alors, avant d'entendre un dernier extrait de l'album Back to the Egg, une de mes chansons préférées, voici Strawberry Fields Forever sur RIG. Take you down. Strawberry

Dans quelques minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Encore un exemple de la, du côté rock de la voix de Paul McCartney. Je le passe très rarement. Why don't we do it in the road sur RIG. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? No one will be watching us. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Allez, on se remet en tête ce qu'on écoutera la semaine prochaine probablement. Time on my hands, le nouveau Ringo Starr sur RIG. I used to have a true love, everything was fine. But now she's found a new love, she's no longer mine. I thought it was forever, but she had other plans. Now these arms are empty, and I've got time on my hands. I turned my collar up, kept my eyes turned down. I walked the empty streets, the blue side of town. When she was my baby, I was a busy man. But she slipped through my fingers, and I've got time on my hands. Time on my hands. The lessons we learned, I'm over her. C'est Ringo qui attaque le premier avec l'album sorti dans deux jours, 2025, et cet album Look Up. On termine avec Rory and the Hurricanes sur RG. Après, ce sera Eric et Johnny de A à Z. C'est déjà fini parce que Eric est prêt, il est chaud, il a envie de vous parler. Donc dans quelques instants, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Je vous souhaite encore une très très belle année. La semaine prochaine, j'espère qu'on aura réparé tous les problèmes techniques que j'ai sur mon ordinateur. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Hein ? Bonne soirée, bonne semaine. Écoutez Eric, je vous le conseille, ça va être bien. À bientôt, ciao.